Chapitre 18e. Le duel continue. La lutte ne se renferma pas dans ce hangar. Elle devait se poursuivre sur le quai de la Loire, offrant d'ailleurs, désert et mal éclairé, un admirable champ de bataille. Les broquets donnèrent la chasse aux aides, les relancèrent, et au dehors, les combats singuliers, les batailles de groupe contre groupe, eurent lieu avec des chances diverses. On conçoit que ce n'était point par un effet du hasard simple que Zygomar avait choisi ce hangar. Il était là, chez lui. Depuis longtemps, il préparait ce coup. Tout, ciment, baril, tonneau, lui appartenait. Le hangar offrait des ressources précieuses, inattendues. Les aides l'avaient disposé, machiné. Zygomar, admirable chef de rare prudence, qui fut seulement une fois chez le baron Vancambre en défaut, avait tout préparé pour la fuite probable. Aussi, quand les broquets arrivèrent, encore une fois, les aides semblèrent s'être évaporées. On ne trouva que les blessés. Les autres, Zygomar lui-même, et certes bien malgré lui, s'étaient éclipsés par une porte secrète qui, grâce à un couloir insoupçonné, donnait sur le quai. En chemin, naturellement, les aides se défaisaient de leur cagoule, se perdaient dans la nuit. Les aides comptaient, non sans raison, maintenant que tous les hommes de Paulin Broquet se trouvaient dans le hangar, pouvoir filer, passer et reparaître dehors. Mais derrière les hommes du détective, une fois hors de la zone dangereuse, hors de la surveillance des broquets, ils pourraient s'éparpiller sur le quai immense, désert, se perdre dans les petites rues noires et tortueuses offrant de favorables abris. Mais, nous l'avons dit, la lutte continua contre les prévisions des aides hors du hangar. Car si Zygomar avait préparé la retraite, Paulin Broquet n'avait rien négligé pour que l'attaque fût décisive, la victoire complète. Tous les hommes ne s'engouffrèrent pas dans le hangar, mais comme des chasseurs abattus, ils se tinrent sur le quai et aux abords des ruelles, attendant le gibier. Si vous voulez me permettre, c'est à peu près de circonstance le gibier de Potence. Et Paulin Broquet lui-même continuait la chasse, poursuivait le combat. Par un hasard tenant du miracle, Paulin Broquet, en dégringolant de sa pyramide, ne fut pas écrasé sous les tonneaux de ciment qui s'écroulaient. C'est au cours de la bousculade entre Broquet chargeant et Z fuyant que l'un des barils de ciment formant la base fut ébranlé, détaché, roulé, et qu'il provoqua l'écroulement de la pyramide. Cela, au moment précis où l'une des cagoules rouges visant Paulin Broquet fit feu de son revolver. Le terrain manquant sous ses pieds, le détective dégringola forcément. Mais, agile, souple, habile dans tous les sports, il sut se tirer de cette chute sans aucun mal. Il se trouva debout, prêt à poursuivre son adversaire quand un des derniers aides, mis quelque peu à mal par un coup de barre de fer de Gabriel, se dirigeait péniblement vers la porte ouverte et s'engageait dans le couloir de retraite. Paulin Broquet empoigna cet homme par le cou et le renversa, sauta par-dessus son corps et à sa place il s'engagea dans le couloir. Certes, Paulin Broquet, à son habitude, commettait encore là une dangereuse imprudence. Si le Z qui le précédait dans ce couloir étroit se retournait, le reconnaissait, il pouvait être à bout portant fusillé, percé de balles, sans pouvoir s'échapper. Mais les Z ne songeaient qu'à fuir. Ils en étaient à ce moment à des batailles perdues, où l'on ne pense plus qu'il est peut-être des revanches à prendre, que l'on peut vendre plus cher la victoire, mais où chacun ne songe qu'à soi, qu'à se protéger, qu'à fuir. À fuir. C'est la déroute. Peut-être aussi le Z qui allait devant lui, et qui d'ailleurs n'eut même pas l'idée de se retourner, crut qu'il était suivi par un compagnon, cherchant comme lui le salut dans la fuite. Il ne se retourna pas, ne perdit pas une seconde à voir qui venait après lui, et continua à courir autant que cela était permis dans ce couloir étroit, sur ce sol gluant, glissant. Paulin Broquet éprouvait dans sa poursuite sur ce terrain ingrat les mêmes difficultés à courir que le Z, qui, à quelques mètres devant lui, fuyait. Pendant 2 ou 3 minutes, ce fut ainsi une course pénible, haletante. Puis, l'air frais arriva, et peu après son homme, Paulin Broquet se retrouva sur le quai. Alors, dans la pénombre, Paulin Broquet put, grâce à sa vue admirable, reconnaître celui qu'il poursuivait. « Zygomar ! » s'écria-t-il. Et ayant pour ainsi dire retrouvé une nouvelle ardeur, de nouvelles forces, il bondit sur lui. Mais Zygomar avait de l'avance, et il s'était déjà mis à courir. Cependant, il entendit le cri du détective. Il tourna seulement la tête, tout en courant. « Ah » fit-il, « Paulin Broquet !» Alors il s'arrêta, allongea le bras et fit feu. Paulin Broquet avait compté 5 coups, de tirer sur lui. Il pouvait croire que son adversaire était désarmé. Mais les hommes de Zigomar savaient aussi que leur chef avait épuisé les munitions de son arme. La cagoule rouge qui vint le prendre et l'arracher à la menace du détective, qu'il enleva pour ainsi dire au broquet, eut soin de lui mettre dans la main un nouveau revolver dont le barillet était plein. Le duel commencé dans le hangar pouvait donc reprendre ici, sinon aussi pittoresque, du moins autrement dangereux, car les deux ennemis allaient, dans leur haine, tout le donner à supposer, se précipiter l'un sur l'autre, se fusiller à bout portant. Toutefois, ici, Zigomar avait un avantage considérable sur le détective. Zigomar tenait une arme toute chargée, alors que Paulin Broquet avait plus qu'à moitié déjà épuisé ses munitions. Mais nous savons que ce détail, pour lui c'était un détail, ne comportait pas une importance assez grande pour que Paulin Broquet s'en souciât. Il vit le geste de Zigomar le visant, mais il ne cessa pas sa poursuite. Il se contenta seulement de faire, à la seconde précise où le bandit appuyait sur la détente, un bond de côté. La balle de Zigomar devait le traverser. Elle troua le pan de son veston à la hauteur de la hanche. « C'est mieux que tout à l'heure !» cria Paulin Broquet. Il fit un nouveau bond de côté, car Zigomar tira une seconde fois. « Ah ! » s'écria alors le détective. « En voilà assez. Tu finirais par me toucher. » À son tour, il fit feu, et Zigomar fit aussi un bond. Mais Zigomar s'abattit à terre. Paulin Broquet ne manquait jamais son but. Il aurait tout aussi facilement pu tuer Zigomar, mais il voulait le prendre, le tenir vivant. Il se contenta de lui loger une balle dans la cuisse. Alors Paulin Broquet se précipita sur Zigomar qui essayait de se relever. Comme il arrivait sur lui, Zigomar, d'un sifflet porté hâtivement à ses lèvres, tira des sons aigus et il acheva de vider sur son ennemi les balles qui lui restaient, coup sur coup, aussi vite que le barillet pouvait tourner. Les balles tirées dans ces mauvaises conditions, fort heureusement, n'atteignirent pas le détective. Paulin Broquet, en quelques pas, se trouva sur son ennemi. Zigomar tenait en main son poignard. Mais Paulin Broquet savait comment se défendre d'un poignard. D'un coup de pied adroitement donné au poignet tenant l'arme, il fit dévier le coup qui entama quelque peu sa chaussure. Alors il se précipita à terre et essaya de passer les menottes à son ennemi. Quoique blessé, Zigomar était encore un adversaire dangereux, redoutable. Nous savons qu'il était doué d'une force peu commune, qu'il connaissait aussi bien que Paulin Broquet tous les secrets des luttes européennes et même japonaises, à cette époque ignorées chez nous, que la savate parisienne, la boxe anglaise, lui était familière. Il entama avec le détective une lutte terrible, la plus dure, la plus difficile, celle du combat à terre, où la défense a sur l'attaque un avantage considérable. Paulin Broquet devait tout d'abord se garer du poignard et du revolver dont Zigomar se servait maintenant comme d'une massue, d'un casse-tête, d'un coup de poing américain. Et le duel entre ces deux ennemis reprit de plus belle. C'était un duel sans merci, sans pitié. Deux fauves aveuglés par la rage n'eussent pas combattu avec plus d'ardeur, plus de haine. Zigomar, lui, cherchait à tenir le plus longtemps possible, à résister longuement. Certes, il comprenait que dans les conditions où il se trouvait, Paulin Broquet finirait par le maîtriser, par venir à bout de lui. Il sentait sa blessure non seulement le faire souffrir, mais lui retirer de son sang et l'affaiblir. Mais il avait eu le temps de siffler, de donner à ses compagnons le signal d'alarme. Il espérait que ce signal, entendu certainement, les ferait accourir à sa défense. À terre, blessé, vaincu, il comptait encore prendre sur le champ sa revanche et faire tourner la défaite présente en triomphale victoire. Pendant quelques minutes de lutte effroyable, où les deux hommes, maintenant en lambeaux, blessés tous deux, couverts de sang, car, après le revolver, le poignard jeté au loin, après les coups de poing, ils se mordaient, on n'entendit plus que le grondement de leur robuste poitrine, que les hans tragiques poussés à chaque effort. Cette fois, Paulin Broquet, couché sur son adversaire, les yeux dilatés par la furie du combat, avait bien reconnu son homme. Si c'eût été un autre, un simple Z, il ne risquerait pas sa vie ainsi. Il ne perdrait surtout pas son temps à vouloir le prendre vivant. Il se fut dégagé et l'eut achevé d'un coup de revolver. Mais c'était bien le comte de la Guérinière qu'il combattait. Oui, c'était bien le comte de la Guérinière. C'était bien Zigomar. Ah, sa capture pouvait être difficile, pénible. Elle aurait lieu. Paulin Broquet ne lâcherait pas son homme. Dût-il, lui, sortir blessé mortellement de cette bataille. D'ailleurs, il pensait lui aussi, bien qu'il n'eût donné aucun signal à ses hommes, que ses fidèles lieutenants allaient accourir, que ses broquets, s'inquiétant de ne pas le voir, allaient se mettre en quête, arriver à la rescousse. Si les aides accouraient au sifflet de leur chef, ils rencontreraient les hommes de Paulin Broquet. De toute façon, Zygomar serait pris. Le détective lutta sans défaillance. Lui comptait aussi sur la victoire définitive de la justice.